Il est 18h sur Radio Dio et c'est l'heure de l'émission du Grémos. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Grémos du mercredi 12 février 2025. Nous accueillons aujourd'hui en studio Caroline Costi, historienne et médiatrice culturelle aux archives municipales de Saint-Étienne, et Jean-Michel Stenner, qu'on ne présente plus sur les ondes de Radio Dio, qui est historien spécialiste d'histoire sociale. Bonjour à tous les deux. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Alors pour cette seconde émission de l'année, nous avons choisi de vous proposer une émission dédiée à l'histoire des noms de rue de Saint-Étienne. Et pour sonder un peu les habitants et savoir s'ils connaissaient un peu l'histoire de leur ville, nous sommes partis à leur rencontre. Nous allons les écouter tout de suite. Est-ce que vous savez le nom de la rue où vous êtes ? La rue des Martyrs. Est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle comme ça ? Oh, ça c'est compliqué ça. Des martyrs ici ? Ça doit être pour rendre hommage à des martyrs d'un incident, mais après lequel... Quelle période, idée. Quelle période peut-être la Révolution française, peut-être. Voilà, est-ce que vous savez dans quelle rue vous êtes actuellement ? Rue des Martyrs ? Est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle comme ça ? Ouh, bah c'est les martyrs de Vingré, donc je sais pas, je suppose que c'est lié à une bataille quelconque. Est-ce que vous savez dans quelle rue vous êtes ? Oui, on est dans la rue des martyrs de Vingré. Est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle comme ça ? Je pense que c'est une référence à la guerre. Martyr, c'est des gens qui ont dû souffrir. Oui, Vingré. Je pense que c'est une rue où on devait sacrifier des gens, ou je ne sais pas. Mais à l'époque, c'était une rue de prostituées. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais de quelle guerre, à quelle guerre elle vous fait penser ? Alors là, j'en ai aucune idée, je dirais. Première guerre mondiale. Ouais. Est-ce que vous savez dans quelle rue est situé votre restaurant ? Ah oui, c'est ici dans la rue des Martyrs. Rue des Martyrs. Et vous savez pourquoi elle s'appelle comme ça ? Non, pas du tout. Alors, je rentre dans le Café Saint-Jacques. Et il y a la barmane. Bonjour madame. Bonjour. Alors, on voudrait savoir madame... si vous connaissez le nom de la rue où se trouve votre bar. Oui, la rue des Martyrs de Vingré. Pourquoi il s'appelle le Café Saint-Jacques ? Parce que c'était une route pour Saint-Jacques de Compostelle. Donc du coup, ils passaient par cette route-là. Et du coup, ils ont fait un rappel. Et en plus, on a une statue Saint-Jacques juste en face. Et pourquoi le nom de la rue des Martyrs de Vingré ? Ça, je ne sais plus. Ainsi que Caroline, nous entendons des passants qui ont du mal à expliquer l'origine du nom de cette rue, et même à donner son nom exact. Par ailleurs, comme on peut le constater en écoutant les réponses, même s'ils connaissent le nom, les passants hésitent franchement quant à son origine. Si le terme de martyr les amène à penser qu'il vient d'un événement tragique, on a entendu quelqu'un qui parlait de la Révolution, ou de la guerre, ils font facilement la confusion entre les deux guerres. Or, ce qui est remarquable dans ce cas précis, c'est que l'appellation de la rue des Martyrs de Vingré nous plonge justement dans l'histoire des deux guerres mondiales. Caroline, toi qui travailles aux archives municipales, tu vas nous éclairer. Peux-tu nous en dire plus ? Peux-tu nous raconter l'histoire des noms de cette rue ? Alors, en effet, Jean-Michel, cette rue, d'abord dite rue Saint-Jacques, fut jusqu'au XIXe siècle à la fois l'axe et le centre de Saint-Étienne. La référence au saint rappelle la place de la religion catholique dans la toponymie. Pour tenter de l'effacer, les révolutionnaires la transformèrent en rue Brutus, le deux niveaux en deux, ou le 22 décembre 1793. Brutus ? Tu veux dire le fils meurtrier de Jules César ? Absolument, je te rappelle qu'on est quelques mois après la décapitation de Louis XVI. Brutus est célébré comme un tyrannicide. Après la période révolutionnaire, la rue retrouva son ancien nom dès les premières années du XIXe siècle. Mais existait alors une petite et une grande rue Saint-Jacques, jusqu'à ce que le 31 mars 1911, petite et grande rue Saint-Jacques soient fondues en une seule rue, la rue Saint-Jacques. Bien. Mais comment passe-t-on de Saint-Jacques au martyr de Vingré ? Alors, il s'agit de rendre hommage à 6 soldats accusés de désertion devant l'ennemi alors qu'ils combattaient dans la région de Vingré, dans l'Aisne. Ils furent, en novembre 1914, condamnés à mort par ordre du haut commandement de l'armée française. La rue devint, le 17 octobre 1921, la rue des fusillés de Vingré. Au lendemain de la guerre, une action avait été entreprise pour démontrer que l'accusation était fausse, ce qu'un procès reconnu officiellement, exécutés alors qu'ils étaient innocents. On voit comment arrive la notion de martyr. Mais en janvier 1922, le ministère de l'Intérieur interdit la dénomination de rue des fusillés de Vingré. C'est pourquoi, le 31 mars 1922, le conseil municipal décida de la transformer en rue des réhabilités de Vingré, nom qu'elle garda jusqu'au 21 janvier 1941, date à laquelle le gouvernement de Vichy imposa le retour à la rue Saint-Jacques. Puis à la Libération, le 9 novembre 1944, elle reçut le nom de rue des Martyrs de Vingré que nous lui connaissons aujourd'hui. Donc c'est compliqué, mais dis-moi, Caroline, comment es-tu arrivée à la connaissance de ces étapes de l'histoire de cette rue ? Eh bien, le choix des noms des rues appartient au conseil municipal. C'est pourquoi la première source se trouve être le registre de délibération du conseil municipal. Donc ces délibérations sont en ligne sur le site des archives municipales. Et c'est la première source que l'on peut consulter. Et puis, il y a peut-être d'autres moyens disponibles aux archives municipales pour en apprendre plus sur le nom de ces rues. En effet, il y a d'autres moyens aux archives, mais aussi à la médiathèque. On peut se tourner du côté de la bibliographie. Il y a 3 ouvrages consacrés au nom de rue. Alors, on peut évidemment consulter l'ouvrage de François Vallet, qui est un petit peu ancien, qui date de 1961. Celui de François Ménard, Saint-Étienne pas à pas, sur l'histoire des noms de rue. Peut-être le plus connu de tous, je crois. Sans doute. Mmh. Et enfin, le dernier, celui de Jean Tibi, qui date de 2004. Il y a aussi le site sur l'histoire des noms de rue. Exactement. Mmh. Exactement. On mettra tout ça en ligne sur le site du Grémousse. Voilà. Et pour chercher, on peut préciser aussi que pour chercher dans les registres du conseil municipal, on a 2 outils disponibles à la fois en salle de lecture mais aussi sur le site des archives, le fichier des rues, donc en salle de lecture, qui donne les tenants, les aboutissants des rues et leur date de dénomination qu'on retrouve dans la rubrique généalogie du site internet des archives sous la forme d'un tableau de répartition des rues par canton au format PDF. D'accord. Voilà. Et tout ça, c'est très intéressant, mais est-ce que ça nous apprend sur les débats Alors, ouais. Effectivement, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose sur les débats qui ont mené à la dénomination de ces rues. Oh, pourtant, c'est bien ce qui va nous occuper aujourd'hui. Les débats, les enjeux, je dirais même les arrière-pensées politiques. Mais je voudrais d'abord revenir sur l'appellation « rue des martyrs ». On a vu que plutôt que dire rue des martyrs de Vingré, les gens qu'on interroge disent toujours rue des martyrs. Alors quand on repart un plan de la ville, qu'on arpente aussi les rues du quartier, en levant le nez pour essayer d'apercevoir les plaques, ce qui n'est pas toujours donné à Saint-Étienne parce qu'elles n'y sont pas toujours, on remarque que cette rue des martyrs de Vingré croise à son extrémité sud la rue Léon-Notin, indiquée comme « mort pour la liberté », et qu'elle fait face à son extrémité nord, vers l'avenue de la Libération, à la rue Pierre-Bérard, elle-même prolongée par la rue Élise-Gervais, tous deux notés également comme morts pour la liberté. On comprend que le tri ne soit pas facile à faire dans la mémoire populaire et que l'expression « rue des martyrs », d'abord elle a l'avantage d'être plus courte, soit la plus couramment employée.

En attendant que puisse être élue librement par la population stéphanoise, la municipalité qu'elle jugera digne d'administrer notre laborieuse cité, et pour assurer l'intérim de cette administration, l'Union des forces de la Résistance vient de nommer, à cet effet, un certain nombre de vos concitoyens. En acceptant cette mission aux premières heures bénies de la libération de notre ville, vos édiles provisoires n'ont en vue que de l'accomplir dans le cadre national de la délivrance complète de notre pays et du rétablissement de la France dans sa liberté, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans la mission spirituelle que les siècles lui ont confiée. Il est plus facile d'enlever le mot « liberté » à la façade d'un hôtel de ville que d'arracher son sentiment du cœur des citoyens français, et 4 ans d'oppression et de servitude leur ont fait sentir, dans la souffrance, toute la valeur et la grandeur de ce maître mot. Il est plus facile de courber l'échine devant la force brutale du vainqueur que de lutter avec ceux qui n'ont pas voulu supporter la collaboration de la botte allemande ni du régime hydropathique du vassalage et d'esclavage de la France. Honneur et gloire à tous les fils et à toutes les filles héroïques de notre France, si calomniées, si rapetissées, si avilies par le gouvernement de Vichy. Et maintenant, animés par le souvenir et la pensée de tous les vaillants qui ont lutté, qui ont souffert, qui sont morts pour notre cher pays, unis dans le sentiment sacré de la résurrection glorieuse de la France nouvelle, liés par le désir d'union et de concorde de tous les bons Français, mettons-nous à la tâche pour administrer notre chère Saint-Étienne au cri de « Vive la France, vive la République ». La première décision votée par l'Assemblée est très symbolique, n'est-ce pas Jean-Michel ? Et en effet, Caroline, ce n'est plus, ni plus ni moins que le rétablissement de la devise « Liberté, égalité, fraternité » sur le fronton de l'hôtel de ville, devise qui avait été enlevée et remplacée depuis la fin de 1940 par les mots d'ordre du pétainisme « Travail, famille, patrie ». Oui, et puis il faut bien dire que le Conseil décide aussi de débaptiser l'avenue du Maréchal Pétain pour la transformer en avenue de la Libération et d'effacer le nom de la rue Nationale pour rétablir celui de la rue de la République. En effet, la séance du 24 août a été très courte. Une nouvelle réunion du Conseil municipal se déroule le 29 septembre, au cours de laquelle le maire annonce. Le Conseil a admis dans son ensemble le principe de dénomination nouvelle pour les voies qui actuellement sont mal baptisées et dont les noms sont à l'étude. Vous savez que l'un de nos premiers actes a été de changer le nom de l'avenue du Maréchal Pétain et de l'appeler avenue de la Libération. Nous avons abordé la question d'autres rues, mais c'est une question un peu longue à étudier et nous demandons de la renvoyer à une séance ultérieure pour envisager d'une façon détaillée les modifications qui devront être apportées. En quelque sorte, on décide de prendre le temps de la réflexion. Et oui, c'est tout à fait ça, Jean-Michel, puisque le 9 novembre se déroule la séance décisive. Et quels sont les choix opérés ? Tu peux nous le dire ? Eh bien, on peut dire qu'il y a 2 grandes séries de décisions qui sont prises, et sans doute, vu le délai, après de longs débats internes entre les différentes fractions du conseil municipal. Alors la première série de décisions, c'est le rétablissement de dénominations supprimées par la délégation spéciale nommée par Vichy en octobre 1940. En effet, celle-ci avait alors décidé de rétablir les anciennes appellations de voies et édifices publics dont les noms, je cite, dont les noms actuels constituent une manière d'hommage à la mémoire de ceux qui, par leurs erreurs ou par leurs actes, ont contribué à précipiter notre patrie dans la ruine. Donc, en quelque sorte, les gens dont on va supprimer les noms, les plaques sur les rues, sont rendus responsables de la défaite de 1940, et on va voir que c'est assez croustillant comme choix. Si on les examine en opérant un classement thématique, on aperçoit bien les intentions politiques et idéologiques spéciales de la délégation spéciale. On dénombre en effet 30 changements répartis en 3 catégories. Dans la première catégorie, on trouve 7 personnages liés à l'histoire du mouvement républicain, laïque et même anticlérical. En gros, des personnes politiques qui ont été actives dans les premières décennies de la Troisième République. comme Valdecrousseau, dont le ministère d'Union des Gauches, formé en 1899, a préparé la réhabilitation de Dreyfus. Et Émile Combes, artisan de la séparation de l'Église et de l'État au début du XXe siècle. Oui, l'état d'esprit de la délégation spéciale, c'est celui du régime de Vichy, c'est-à-dire un régime réactionnaire qui veut revenir à une France catholique, chrétienne, et qui donc s'en prend à ses pétainistes. Voilà, donc on efface Valdecrousseau en rétablissant l'ancien nom de Saint-Louis et en autorisant les Allemands à détruire sa statue. On va remplacer également Émile Combes par Jean Mermoz, connu comme aviateur disparu en vol en 1936, moins connu par contre pour ses convictions d'extrême droite. Et dans la deuxième catégorie, je placerai 15 noms qui sont liés à l'histoire du mouvement ouvrier, peut-être encore plus considérés comme des ennemis par le régime de Vichy. Et là, on constate qu'on remonte très très loin. Par exemple, Babeuf, qui est un acteur de la Révolution française, donc on est très loin de 1940, Blanqui, Louis Blanc, Karl Marx, et bien sûr, parmi eux, deux locaux, Jules Ledain, qui a été maire entre 1900 et 1906, donc il est mort en 1914, mais bien avant la Deuxième Guerre mondiale, Jean Pigère, et aussi Jean Jaurès. Comme si on avait voulu tuer une seconde fois Jaurès. Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mourraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? pourquoi ont-ils tué Jaurès. Vous êtes bien sûr Radio Dio 89.5 dans l'émission du Grémos et nous venons d'entendre Jaurès de Jacques Brel. Dans ce texte grave et sensible, Jacques Brel regrette la mort de Jean Jaurès, le combattant pour la justice sociale et la paix. Il évoque le travail des ouvriers ainsi que la mort des jeunes hommes au front, notamment pendant la Première Guerre mondiale, ce qui nous ramène au martyr de Vingré. Mais dans le cadre de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, cette chanson nous permet de parler de la dénomination de la place Jean Jaurès, qui, par décision du 30 novembre 1919, le conseil municipal du 30 novembre 1919 de la municipalité Soulier avait décidé d'appeler la place Marengo place Jean Jaurès. Sous Vichy, le 26 novembre 1940, la place Jean Jaurès redevient la place Marengo. Elle finit par reprendre le nom de Jean Jaurès par décision du conseil municipal du 9 novembre 1944. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a cette espèce d'affrontement symbolique entre ce que représente Pétain et ce que représente Jean Jaurès. Alors Pétain, général, grand général, célébré par les anciens combattants, mais aussi celui qui a présidé aux exécutions des mutineries de 1917. Eh bien, on célèbre Marengo, parce que Marengo, c'est une victoire Bonaparte, c'est une bataille de Napoléon, etc. Et donc, ça semble quelque chose de beaucoup plus qui correspond beaucoup plus à l'état d'esprit du régime de Vichy. Et donc, Jean Jaurès, lui, défenseur des droits des ouvriers, défenseur aussi de la paix en 1914 et qui meurt parce que certains considéraient qu'il était un obstacle à l'entrée en guerre. Cela dit, en 1944, la dénomination est rétablie, mais il y a quand même des gens qui ont pendant longtemps, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, considéré que cette dénomination était indue. Puisqu'en 1998, il y a une conseillère municipale du Front National qui a même proposé de rétablir le nom de Marengo sous un prétexte « on ne peut plus fumer ». Mais pour en revenir à nos différentes catégories, tu nous avais annoncé trois catégories, on n'en a vu que deux. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer quelle serait cette troisième catégorie ? Ah, merci de me ramener dans le droit chemin, voilà, Karine. Voilà, tu as fait une petite parenthèse. En effet, on repère six noms dans une troisième catégorie, toujours liée au mouvement ouvrier, mais avec des personnages qui peuvent être rattachés plutôt à la catégorie communiste, la tendance communiste du mouvement ouvrier. Alors, il y a des gens qui sont plutôt de dimension internationale ou nationale, comme Maxime Gorki, Vaillant Couturier, Camélina, et aussi quelques locaux comme Jean Doron, qui a été secrétaire de la Fédération communiste à la fin des années 20, et même le maire Louis Soulier, qui n'était pas du tout communiste, mais qui a constitué en 1935 un conseil municipal de tendance Front Populaire. Alors, quant à la deuxième série de décisions, elle consiste en de nouvelles dénominations, parmi lesquelles on va trouver à la fois des résistants, et d'abord le premier d'entre eux, De Gaulle, puis cinq hommes et une femme. Trois noms communistes, Pierre Bérard, Élise Gervais, Léon Notin, et trois communistes, Gabriel Péri, Barthélémy Ramier et Pierre Sémard. A-t-on là encore supprimé des dénominations données par la délégation spéciale pétainiste ? Alors, on a plutôt supprimé des noms de direction. La rue de Firmini est devenue la rue Gabriel Péri. La rue du Puy est devenue la rue Pierre Sémard. La rue du Chambon a été attribuée à Léon Notin. La rue de Lyon, quant à elle, a été partagée entre Pierre Bérard et Élise Gervais. On peut peut-être dire quand même que ces personnes ont été Pierre Bérard, Élise Gervais et... Léon Notin, exécuté pendant l'année 1944 par la Gestapo et même certains comme Élise Gervais, atrocement mutilés et torturés. Tout à fait. D'ailleurs, concernant Élise Gervais, on dispose aux archives municipales d'une lettre assez émouvante qui arrive à la mairie de Saint-Étienne et qui... Signée du père. Et qui est signée, en effet, du père d'Élise Gervais lorsqu'il est convié à l'inauguration des plaques, des noms de rue et notamment de la rue qui va porter le nom de sa fille. Et je vous propose d'en lire un extrait. On peut peut-être préciser que cette lettre, elle est adressée au maire de la ville. Tout à fait. Polia, le 18 décembre 1944. Monsieur le maire de la ville de Saint-Étienne, je puis vous affirmer, monsieur le maire, le contentement que j'éprouve en apprenant que ma fille n'a pas été oubliée et ne saurait trop vous remercier, ainsi que votre conseil municipal, sans oublier toutes les autorités civiles et militaires qui assistaient à la cérémonie du 16 décembre dernier. À mon grand regret de n'avoir pu assister samedi dernier à la pose des plaques de la rue dont ma fille va être dotée à l'avenir, veuillez agréer, monsieur le maire, avec tous mes remerciements, mes respectueuses salutations. Gervais François. Alors, on voit par cet extrait de lettre que tu nous as lu, on voit que les communications, même courtes, demeurent difficiles en décembre 1944 du fait des destructions matérielles de la guerre. En effet, il lui est impossible de se rendre. Alors, Polia, c'est une petite ville à proximité de Bourg-en-Bresse. Mmh. Il lui est impossible d'abord de faire le trajet de Bourg-en-Bresse à Lyon et ensuite de rallier Lyon à Saint-Étienne. Et en plus des communications, le courrier n'arrive pas, ce qui rend toute transmission très compliquée. Oui, il indique qu'il n'y a que 3 trains par semaine. C'est alors ça. Alors qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs par jour. Ouais. Alors dans cette charrette j'indiquais tout à l'heure, dans laquelle il y a donc ces résistants martyrisés, donc, dont les 3 qui sont Élise Gervais, Léon Notin et Pierre Bérard, on remarque aussi qu'on a glissé des références à des événements révolutionnaires antérieurs. Et ça, c'est très intéressant parce que on n'a pas les détails des délibérations, mais j'ose penser que c'est plutôt les élus communistes du conseil municipal, enfin les élus, les conseillers municipaux, ils sont tous nommés, hein, les conseillers municipaux communistes qui ont fait ces propositions. Alors la rue des Trois Glorieuses, la référence est assez explicite au soulèvement de Paris de 1830, c'est ça. Parallèle avec celui du mois d'août 1944. Je crois que c'est intéressant de voir. Et elle remplace cette rue des Trois Glorieuses, une rue Jean-Baptiste Bedel, qui était un grand patron de la sidérurgie stéphanoise. S'agit-il d'une évocation indirecte de la libération de Paris ? Moi, je pense que oui. Et puis, il y a des acteurs de la Révolution française. Donc, on a vu tout à l'heure que Babeuf, qui avait été supprimé en 1941, est rétabli en 1944. Mais Saint-Just ou Robespierre ? Alors, Robespierre, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs débats qui ont eu lieu. C'est un personnage qui reste sulfureux encore aujourd'hui. Paris avait donné le nom de Robespierre à la place du marché Saint-Honoré et en 1950, ça a été supprimé par une majorité de droite. Et en 2011, le maire socialiste Bertrand Delanoë a rejeté une proposition, je crois qu'elle venait d'un actuel élu de la France insoumise, de rétablir cette appellation Robespierre. Il y a très peu de villes en France qui ont des rues Robespierre. Très peu. Alors, on peut remarquer aussi que l'attribution de noms de personnages célèbres qui n'a rien à voir avec la résistance. Par exemple, en 1944, on va transformer la rue de Fontainebleau en rue Étienne Mimard. On va transformer également la rue du Treuil et on va la partager entre la rue Louis Braille, qui va aller de la place d'Orient à la rue de Lodi, et rue Roger Salengros, qui ira de la rue de Lodi à la place Carnot. C'est ça. Étienne Mimard, on rappelle, donc c'est le fondateur de la manufacture d'armes et de cycles, et il est mort juste à la fin de la guerre. Oui. Donc c'est un hommage. En plus, il a donné son entreprise à la ville. cadeau qui s'avérera plus tard un peu empoisonné. Mais on va donner aussi son nom à l'école nationale professionnelle. Donc qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de lycée Étienne Mimard. Oui. Dans le cadre de Roger Saint-Langros, c'est assez particulier aussi parce que Roger Saint-Langros était maire socialiste et ministre dans le gouvernement de Léon Blum. Et on avait donné son nom à cette rue qui était une partie de la rue Dutreuil en novembre 1936 parce que Roger Saint-Langros s'était suicidé à la suite d'une campagne de calomnie de la part de l'extrême droite qui l'accusait d'avoir déserté pendant la Première Guerre mondiale. Voilà encore, on revient encore au contexte de la Première Guerre mondiale. La délégation spéciale avait supprimé cette décision du conseil municipal. Celui de la Libération, donc, le rétablit, mais partiellement, comme tu l'as dit, puisqu'elle est partagée entre une partie Roger Saint-Langros et une partie Louis Braille. Donc, en fin de compte, le cas de Roger Saint-Langros nous ramène un petit peu à nos martyrs de Vingrée, comme s'il s'agissait d'une autre réhabilitation, c'est ça ? Si je comprends bien. C'est tout à fait ça. Et dans le même ordre d'idées, on a le cas de la rue de la Paix. Cette rue de la Paix s'appelait rue de la Paix à Saint-Étienne depuis 1831. Et en 1931, on décide de la dénommer rue Aristide Briand. En 1940, la délégation spéciale va lui redonner le nom de rue de la Paix et elle va être ensuite transformée après la guerre en novembre 1944 en rue Aristide Briand et de la Paix, comme si on avait voulu, d'une certaine manière, ramener la paix dans les rues de Saint-Étienne. Oui, et puis le choix de 1940, c'est comme si le régime pensait que effectivement la paix était rétablie par l'armistice du mois de juin 1940. Et alors, tu as tout à fait raison, je pense qu'il y a, ce choix d'avoir ajouté Aristide Briand et de la paix, c'est peut-être un peu pour calmer les tensions. Mais dans ce cas précis, c'est assez pertinent. Mais en fait, on se rend compte que ces querelles de noms de rue ne sont pas terminées. On va voir par exemple avec le cas de ce qu'on appelle le square Stalingrad, qui aujourd'hui a disparu, on va voir pourquoi. Et dans le discours dont Karine nous a déjà lu un extrait, le discours du 24 août 1944, le maire Henri Muller rend hommage aux alliés en citant les trois grands alliés qui ont aidé à la victoire sous le nazisme. Tout à fait. Donc je cite un autre passage du discours de Muller. À la vieille Angleterre, à la jeune Amérique et à la grande Russie, à l'URSS qui a brisé les ailes du grand aigle du Reich et gelé dans ses glaces son bec crochu et ses serres de rapace. Ah, donc, gelé dans les glaces, c'est évidemment la défaite de février 1943, la défaite de Stalingrad qui est le grand tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est précisément à ce moment-là, au moment où on va dénommer ce square Stalingrad, que cette bataille de Stalingrad va devenir un enjeu de mémoire et un enjeu dans la guerre froide. En effet, c'est le 30 mai 1947 que le conseil municipal prend la décision. Conseil municipal élu le 13 mai 1945 et toujours présidé par Henri Muller. Et il fait une déclaration à ce propos. Caroline, alors, tu vas nous la lire. Il déclare « Le comité départemental de la Loire de l'association France-URSS a proposé de donner le nom de Stalingrad au square situé aux abords de la gare de Château-Creux. Stalingrad, par la résistance acharnée que ses défenseurs ont opposée à l'envahisseur, est devenu le symbole de la victoire des forces de progrès sur celle de l'hitlérisme, qui constituait la plus honteuse régression que le monde ait jamais connue. » Oui, et il poursuit. « Pour rendre hommage aux héros de la cité martyre et témoignage de notre reconnaissance au peuple de l'Union soviétique, nous vous demandons de bien vouloir dénommer square Stalingrad, le square situé aux abords de la gare de Château-Creux. » Ainsi, on retrouve la notion de martyr. Après la rue, on aura un square ? Eh bien oui. Square Stalingrad, donc, dont on peut voir, on en parlera peut-être, l'évolution petit à petit dans, cette, dans sa géographie, dans sa disposition. Mais en 1947, on est très loin de l'unité de 1944 qui avait été célébrée par Henri Müller. On est, comme je disais tout à l'heure, on entre dans la guerre froide et la fraction PCF du Conseil n'entend pas laisser le maire et ceux qui le soutiennent, ce sont la plupart des gens de tendance socialiste ou centriste, tirer parti du prestige de la victoire remportée par l'armée rouge. Et ils vont donc faire cette commémoration seuls. C'est cette commémoration, cette cérémonie que nous montre Le Ponce dans une série de 4 photos ? Exactement, et des photos qui sont tout à fait parlantes, on essayera de les mettre sur le site, oui. Où l'on voit toute une foule qui est devant, en bas de la rue de l'avenue d'Enfer Rochereau, oui. Face à la gare, et on voit des gens qui sont un peu en hauteur, parce qu'ils sont disposés sur les gravats du puits Néron qui a été bombardé en 1944. Et sur ces photos, on peut constater la présence de certaines personnalités du Parti communiste, donc Joseph Piau, Denise Bastide, qui était élu député depuis 1945. Il y a aussi Marcel Goninet. Et il y a donc des représentants du consulat soviétique et des animateurs de l'association France-URSS. Mais il n'y a aucun conseiller de la majorité. Il faut dire en plus que le conseil municipal a changé. Il a été élu en octobre 47. La cérémonie se tient le 7 novembre 47, donc oui, la délibération le 30 mai 47, la cérémonie est le 7 novembre. Pourquoi le 7 novembre ? Parce que c'est le 30e anniversaire de la révolution de 1917. Et donc, on voit bien que l'idée, c'est de ramener toute la gloire de cette bataille et dans le cadre de ces dénominations, dans les intérêts du Parti communiste. Donc, cette cérémonie a été transformé en cérémonie en l'honneur de l'Union soviétique et du communisme. Et ce square, il n'est pas encore, il est baptisé, mais il n'existe pas encore. Il reste un peu sur les gravats de la guerre. Voilà. Hein. Et on va le voir, on a des photos qui nous le montrent, petit à petit évolué, avec, ça devient l'endroit où les bus qui viennent de Bellevue, retournent, font leur demi-tour. Et puis, petit à petit, on va faire, comme les voitures commencent à circuler, on va faire un vrai rond-point. D'accord. Et sur ce rond-point, on a placé en 1969, si mes souvenirs sont exacts, le monument aux fusillés. Qui est toujours là. Ouais. Oui. Mais on est d'accord que ce square, il n'existe plus. Eh bien non. Et qu'est-ce qu'on a fait également de la statue ? Alors, la statue est toujours là, mais tu as raison, le square a disparu avec les travaux qui ont transformé le quartier de Château-Creux dans les années 2000. Et le conseil municipal du 10 octobre 2007 a entériné cette disparition dans la plus grande indifférence. Aucune réaction de la part des opposants. Sans doute un effet indirect de la disparition de l'Union soviétique et de l'affaissement du PC. Cette dénomination n'était plus un enjeu politique, non. Jean-Michel ? Non, c'était plus un enjeu politique. C'est vrai que ce qui est curieux, c'est qu'il y a quand même 2 ou 3 conseillers municipaux communistes, mais qui n'ont pas dit un mot dans cette délibération. C'est passé, donc quand on voit les documents, disparition. Alors, c'est devenu l'esplanade de France, et aujourd'hui, c'est devenu la place Lucien Neuwirth, autre résistant. Et on a déplacé donc le monument aux morts. On l'a déplacé sur le côté, plus proche de la gare. Pour que donc la place, c'est plus un rond-point, c'est une place plutôt longiligne qui va dans le sens est-ouest. C'est le parvis de la gare. C'est le parvis de la gare, exactement. Donc on voit, à part ces quelques exemples, on pourrait rajouter peut-être que finalement, des noms de résistants, il y en a d'autres qui vont apparaître petit à petit. Par la suite, Bon, assez proche, par exemple, on pourrait citer le cas d'Ernest Bonnave, qui est dénommé en 1946, ou de Francis Bollier. Donc, oui. C'est des jeunes résistants qui sont morts, eux aussi, torturés ou exécutés par la résistance, par l'armée allemande, excusez-moi. Et ensuite, il y a d'autres noms qui vont apparaître, mais plus tardivement. Beaucoup plus tard, jusqu'en 83, et même au-delà, en 83, je pense, à la place Jean Moulin, voilà. qui est dénommée ainsi par la municipalité Sanguedols, mais on est bien longtemps... après la guerre. Oui, je pense à Robert Maurice, le père de Violette. Exact, qui a son boulevard à Tardy. 1970, ça doit correspondre à la date de son décès. Et Violette Maurice, qui a elle aussi un square maintenant vers la rue de la Monta. Oui. Et puis, on va voir apparaître aussi des noms d'événements, comme la rue du ghetto de Varsovie, en 1983. C'est donc le 40e anniversaire du soulèvement du ghetto. Et des noms de déportés, je pense à Janine Silberberg. Tout à fait. Je pense aussi à Alain Grossman. Oui. Et puis, des noms comme de bataille de la résistance, comme la rue du plateau des Glières. Alors, je ne sais pas exactement à quelle date, mais donc il y a eu des différentes étapes dans cette chronologie. Peut-être moins polémique que ce qu'on vient d'examiner, c'est-à-dire cet aller-retour entre les décisions de Vichy et puis celles de la résistance. Ce qui est intéressant peut-être à noter, c'est la rapidité avec laquelle on veut se débarrasser des dénominations données par la délégation spéciale pétainiste. Oui. Donc cette séquence de la libération... Caroline, elle nous donne un certain nombre d'enseignements. En effet, elle nous donne plusieurs enseignements. Le premier, c'est que la dénomination des rues, c'est souvent un enjeu politique. Bien d'autres périodes auraient pu être prises en exemple. Ici, on s'est concentré essentiellement sur la Première Guerre mondiale avec la rue des Martyrs de Vingré et sur la Seconde Guerre mondiale, mais on aurait pu... étudier la période de la Révolution, celle de la Restauration ou encore les débuts de la Troisième République. On est loin d'avoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on est loin d'avoir présenté tous les noms qui révèlent les traces de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Étienne. Et on en a beaucoup qui arrivent même de manière très postérieure à 1944 et à la fin de la guerre. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Avant de nous quitter, je vais vous donner quelques informations sur les prochains événements en lien avec le Grémos. Samedi 15 février à 14h30, Antoine Vernet, donc, qui est secrétaire du Grémos, historien, proposera une conférence intitulée « Les usines de la Chaléacière, grandeur et déclin d'un site industriel ». Cette conférence aura lieu au Musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, de place Louis-Combes, pardon, je reprends. Le jeudi 20 mars, le Grémos s'associe à l'association Fenêtres sur le Japon et vous propose de découvrir la vie des mineurs japonais au début du XXe siècle au travers du film Creuser le Japon de la réalisatrice Kumagai Hiroko. Nous vous donnerons rendez-vous à la Cinémathèque de Saint-Étienne pour deux projections, une à 14h30 et la seconde à 19h. Voilà, cette fois, c'est la fin de cette émission. Merci Caroline et merci Jean-Michel. Merci Karine. Merci Karine. Amis auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Grémos qui aura lieu le mercredi 12 mars 2025 à 18h. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée sur les ondes de Radio Dio. Bye bye.